7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. 7h, 9h. Le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-Ciel. Rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Bah oui, c'est bien le matin, il est 7h, welcome à tous, bienvenue. Bandea, comme on dit en portugais. Si vous venez tout juste d'arriver dans la radio, eh bien, on va vous faire gagner des places, peut-être, hein, pour aller voir Tony Carrera. Il sera au Zénith d'Orléans, c'est le 21 janvier 2022. Et voici la reprise de My Brands avec qui sera. Bon réveil, belle journée. Si vous êtes sous la douche, eh bien, frottez un peu, allez, ça frotte. Também eles perguntam como eu. Quem será, quem será, quem será? Quem me vai fazer esquecê-la, quem será? Quem me vai dar a alegria que ela deu e já não dá? Quem será? Alguém me diga quem será? Mes amis, essayez de comprendre. Une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors si vous pouvez, dites-le-moi. Tony Carrera, en Zénith d'Orléans, la radio Arc-en-Ciel, les partenaires bien sûr. Un super événement dont vous allez y aller, j'en suis sûr. C'est un mec que j'adore, une voix de ouf. Il cartonne au niveau latino. Ouais. Nicky Jam, Element. Esta la hice pa' él. Cuando la escuché quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia más, más, más, te caliento más, más, más, te caliento más.

direction l'Espagne normalement si tout va bien avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Francky, bonjour à tout le monde. Et on fait un test, hein, t'es en direct d'Espagne aujourd'hui, sur le chemin de Compostelle. Tu étais venu à la radio nous en parler. Eh bien, bienvenue à 7h14. Il y a combien de décalage avec l'Espagne? À peu près une heure, non? Rien du tout. Ah bon, je croyais, moi. Il est 7h du matin, je suis parti depuis, avec d'autres amis, là on est parti depuis 6h15 ce matin. Ah la vache, je suis motivé quand même. Quel chemin de Compostelle, vous venez juste de démarrer là, c'est ça? Alors là, ça fait déjà plus d'une semaine qu'on marche, puisqu'on est parti de Sarria, et là on quitte Saint-Jacques pour aller vers Muxia et Fisterra, vers la mer. Et, ah la mer, bah tu penses à moi au bord de la mer alors, j'espère. Voilà, et nous allons revenir le 24 et le 25 pour fêter la Saint-Jacques à Santiago. À quel chemin Compostelle, franchement vous êtes courageux, hein. Ouais, bravo. Et ça va, tout se passe bien dans les règles de l'art comme on dit? Oui, tout va bien. On est un petit groupe de l'association Compostelle 45. On est 31 là. 31 marchés là. Oui, mais on n'est pas ensemble. Chacun part comme il veut, alors qu'il veut. Ouais. Chacun vit son chemin, puisque faire son chemin, c'est pas marcher en groupe, mais c'est de marcher. Chacun fait son chemin avec son histoire, avec ce qu'il est comme il est. Voilà. Eh ben, ça me fait plaisir de t'avoir en direct de l'Espagne aujourd'hui. Est-ce que le Covid là, où il n'y a pas des confinements? On m'a dit qu'en Espagne, peut-être qu'ils allaient confiner encore, non? Alors nous sur au niveau de la Galice et au niveau du chemin, effectivement on a des masques partout sauf quand on marche. Ouais. Tu vois, langue parlant, je me suis trompé de chemin, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et puis autrement, on a des masques partout dans les villes quand il y a du monde, et quand on est sur le chemin tout seul, effectivement, on a le droit et on peut l'enlever. Eh ben voilà, en tout cas une belle aventure, le chemin de Compostelle avec Compostelle 45, 31 à marcher sur cette belle route qui mène à Dieu un peu, hein, c'est ça Pat, hein. Il mène d'abord à soi pour aller vers l'autre. Voilà, c'est ça. Et ben, et puis j'avais dit. Chacun met le sens qu'il veut. C'est surtout beaucoup un chemin de spiritualité. Et après, chacun après il met le sens qu'il veut, comme il veut, avec ce qu'il est, avec son histoire. Ouais. Et c'est ça le plus important, parce que justement c'est un chemin où on prend le temps d'aller vers soi. Voilà, et ben on va vers toi, on va vers vous, on vous souhaite plein de courage, et je vous envoie plein de bonheur, les Compostelle 45. Et ben merci. Et ben plein de bisous mon Patrick, et puis tu nous rappelles dès que tu peux un de ces quatre là, hein? Oui, il n'y a pas de problème, je vous rappellerai ces matins ou avant de partir. Comme ou... tu veux, tu nous appelles quand tu veux. Merci Patrick. Merci. Bonne marche. Merci. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Merci Patrick. Compostelle 45 sur le chemin de Compostelle. J'adore cette reprise. Je vous dis, cette fille, elle est merveilleuse. On l'adore. On m'a dit récemment que tu l'épousais. Depuis, j'ai l'impression d'étouffer. J'ai besoin de te le dire. Raconte-moi ce que je n'ai pas qu'elle pourra t'offrir. J'étais prête à tout pour te voir sourire. Mais ça ne suffisait pas. Partout je te cherchais, sans trop savoir où aller. Je n'ai perdu les mots. Oh non. Partout je te cherchais, sans trop savoir où aller. Espérant des jours plus beaux. Est-ce que moi sans toi, toi sans moi, on pourra un jour être heureux, même si ça ne me plaît pas. Sans toi, toi sans moi, nous sans nous, voilà, c'est une belle histoire ça. Sarah H, écoutez son album, il est merveilleux sur YouTube, vous le téléchargez légalement bien sûr. Elle perdonne la reprise de Nicky Jam, et puis j'ai trouvé une belle reprise de Johnny. Bah, peut-être pas fan de Johnny, mais ça, c'est les Gypsy Kings qui s'y mettent. Un peu de douceur pour votre réveil comme ça, tranquillement. Je te promets, Chico and the Gypsy, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. De ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche. Porque quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor. Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre el que llamas. Dime si él te hace el amor cada mañana. Dime tal vez si ese hombre te ama. Dime si cuando en su cama piensas en mí, es mi nombre al que llamas. Dime si él te hace el amor cada mañana. Dime tal vez si ese hombre te ama. ¿Cómo lo hacía yo? C'est le 7h21, on est heureux de vous retrouver, ça fait du bien. Christelle qui vient d'arriver dans les studios, il y a Léa qui arrive, Léa Pastel aussi, tout à l'heure on va parler de peinture avec vous, ouais, plein de choses. Henry Mendes aussi, on adore, sur votre radio couleur, Charlie Rodriguez et Christian Delix, il y a pas la famille. La disco de

7h28 minutes, Forza Italia, heureux d'être avec vous, c'est Frankie dans la radio. Christelle qui vient tout juste d'arriver, elle est au café, tranquille, une chroniqueuse radio. Ah ouais, quand j'ai connu Radio 5, oh là, c'est vieux. J'allais en bus, alors imaginez-vous, en bus de la Semtao à l'époque, hein. Chroniqueuse à l'époque sur Radio France 5, sur Radio 5, et elle est là ce matin, l'horoscope avec des aussi de l'actu. Elle est en pleine forme. Elle a un peu le trac, c'est vrai que ça fait 30 ans qu'elle a pas fait de radio, mais bon, elle va s'y remettre tranquillement, et puis je vais la mettre à l'aise, bien sûr. Ça, c'est mon meilleur poteau du Cap d'Agde, et je l'adore. Voici Willy William, c'est la famille, DJ Willy William. A mí me gusta este juego. Comme le 15 juillet, en espérant que vous avez passé un bon 14 juillet. Il y avait du feu d'artifice hier. Ouais, j'ai pas pu dormir, hein, Orléans. Je voulais me coucher de bonne heure. Du coup, bah non, je reste au téléphone pendant une heure encore. Et ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Salut Florent Amigo, qui est là, qui nous enregistre toutes les émissions. Salut mon Florent, belle journée à toi, bonne matinée. Côté ciel, alors là, j'ai une bonne nouvelle. Normalement, la fin de semaine devrait être plutôt pas mal, et début de semaine prochaine aussi. Hein. Aujourd'hui, le soleil devrait pointer son nez avec quelques nuages quand même, mais les températures sont plutôt pas mal. Hein. on va dire. Mais bon, en juillet, 14 degrés jusqu'à 25, mais pas de pluie au programme. Ça, c'est la très très bonne nouvelle. Et ça fait vraiment vraiment plaisir. Ouais, pour une fois qu'il pleut pas. Et vous l'adorez sur Radar Franciel. Il sera bientôt notre invité à la rentrée. Il est au Portugal en ce moment, c'est Marquito et Olusitano. Bon dia, bon réveil. Christelle qui arrive dans moins de 15 minutes en direct à la radio couleur. La chroniqueuse avec l'horoscope, avec des infos. Pra ganhar notas, tô desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho à demora. Nunca se acaba, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que deve ser. Gosto do fim de semana. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou, musicano, seja amor. Todo noite eu vou, um conquistador ser. Trabalho a demora, nunca se acaba. Chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a viver. Gosto do fim de semana. Promis Marquito, hein, dès que je rentre du Portugal, je viens d'entendre l'émission Cranky. En plus, il est pas d'Orléans, hein, il va faire la route et tout, hein, ça fait plaisir de le retrouver à la radio. Mon poteau Marquito, coucou à Hugo qui vient de connecter. Salut Cranky, merci d'être là le matin, ça nous fait plaisir. Bah ouais, moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Salut à Sarah aussi. Attends, je regarde, viens, attendez, c'est un messenger. Salut Cranky, belle journée à toi et merci de nous faire le smile ce matin. Bah ouais, et puis le smile, vous l'avez le sourire. Forcément, tout le monde a le sourire avec Kevin qui et puis Christian qui arrive dans moins de 10 minutes. Gardez le sourire. C'est ce que dit Kevin. Voici Monsieur Kinley. Bah ouais, il est là, la famille. Allez les filles, le beau gosse avec plein de tatouages. J'adore les tatouages. Kinley, garde le sourire. Non, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mon moral n'est pas toujours à la fête. Mais ce n'est pas pour autant que je me défile. Tomber, se relever, toujours positivé. Et rester motivé, toujours, toujours. Tomber, se relever, toujours positivé. Et à toutes circonstances, je garde le sourire. La, la, la, la, la, la, la. Yeah. passons et passons pour prendre place sur la voie de la raison. Tomber, se relever, toujours positiver et rester motivé. Toujours, toujours. Tomber, se relever, toujours positiver et en toutes circonstances, je garde le sourire. Circonstances, même si ça me plaise, je préfère courir à l'indifférence et je garde le sourire. Regarde le sourire, ouais, regarde le sourire, allez, 7h, 9h, il vous accompagne au bout, bah ouais. C'est Francky. C'est Francky dans la radio, et puis je voulais saluer aussi Tristan, je t'ai encore entendu à la radio, ah là là là, quel bonheur de t'avoir juste après le boulot. Bah ouais, Tristan qui est agent de sécurité, qui travaille la nuit, salut mon Christian, belle route, et merci d'être passé devant, ouais, devant le resto. Ah, il a même pris une photo, t'as vu, le mec qui font la sécurité de mon resto, de ma discothèque, c'est sympa, hein. Ça c'est sympa. Bonjour Christelle. Bonjour Francky. Bon, toujours la même voix de Radio 5. Je sais pas. Elle a vieilli quand même. Ouais, bah comme tout le monde, moi aussi. Hein. Alors ce qui est bien, parce qu'on s'est jamais croisé à Radio 5, où je pense pas, on était jeunes aussi, hein, faut dire. Hein. On était moi, des gamins. On était des petits gamins. Hein. Moi j'allais en bus de la Semtao à l'époque, alors pour te dire. Moi j'y allais à pied. Voilà, bah ouais, ça, château des longues allées à Saint-Jean-de-Bray, une radio, ouais, qui n'existe plus, hein, une radio bénévole. Mais quel souvenir. Et c'était dans les chambres de bonne en haut, en fait, ils avaient, oui, aménagé en studio. Ça, c'était génial. Et ben, et puis, je voulais avoir une pensée pour mon ami Michel qui était ici à la radio, qui travaillait à Radio 5. Il me remplaçait après le matin des nuits où je faisais les disques à la demande. Et Michel qui nous a quittés à la radio ici à Arc-en-Ciel. Mm. Un super bonhomme, un super papy que j'adorais et que tout le monde adorait d'ailleurs. Hein. Il était adorable. Un super mec. Hein. T'as des, ouais, bons souvenirs avec lui, ouais. Ouais. Oui, de très, ouais, très bons souvenirs. J'étais vraiment une gamine, donc. Ouais. Et puis lui, c'était le patriarche. Hein. Voilà. C'était le patron, hein, à la radio. Il était, hein, là tout le temps pour nous protéger, ouais, nous, ouais, pousser des. Ouais, c'était génial. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a toujours fait les musettes, quoi, hein, tu vois. Moi, toujours, déjà, il me rendait le dimanche matin. Mais il nous donnait l'amour de la musette, en fait, en tant que jeune. Ouais, c'est vrai. On savait pas ce que c'était, hein. Non. Moi, ouais, en plus, il se passait des trucs un peu bizarres la nuit, là-haut. Les disques à la demande, il y avait de tout. Et lui, il arrivait avec ses disques de valse et de tango. Hein. Oui, puis finalement, on aimait bien. Bon, on aimait bien. Moi, le dimanche matin, il avait une grosse écoute. Hein. Puis, oui, à la radio Arc-en-Ciel aussi, une grosse écoute. Hein. Il manque un peu. D'ailleurs, la radio recrute, hein, une personne, un animateur qui saurait faire ce genre de musique. Si vous êtes intéressé par la place, eh bien, elle est libre. Voilà, une fois ou deux fois par semaine pour passer de la musique que Michel passait, qu'il aimait. Voilà. Ça sera difficile de le remplacer, mais... Ah, il est remplaçable. Moi, j'adorais parce que je faisais l'après-midi. Et puis, quand j'arrivais à la radio, je le relevais. Bon, il y avait un quart d'heure avant le changement d'antenne parce que lui, le temps qu'il se déplace, papy, mais il était gentil. Hein. Oh là là. Il était adorable. Ouais, ça m'a fait un coup quand même, hein. Mais bon, j'en ai pleuré. Voilà. Les souvenirs de Radio 5 et puis d'Arc-en-Ciel. Des bons souvenirs, hein. Genre, il en faisait des conneries à l'antenne. Hein. Ah, oh, j'adorais. Mais lui, ce qui est bien, c'est qu'il était à l'aise, hein, à l'antenne, parce que dès qu'il faisait une connerie, il disait, bon, bah là, ça marche pas, on va voir, hein, on attend. C'était du naturel, simplement. Hein, Michel, on va te retrouver dans quelques minutes, si tu veux bien. Ça te dérange pas? Pas de soucis. Non? Eh ben voilà, pas en tout cas, toujours ta belle voix, une belle voix de radio, hein, Christelle. Hein. Vous en pensez quoi, là? Appelez-nous, tiens, 0238 43 48 00. La Christelle, notre chroniqueuse du matin, ancienne animatrice radio dans les années 80, hein. Ouais, oui, c'est ça. Oh là là, ça va pas. Oh, j'ai pris un coup de vieux. Alors déjà, j'ai eu 51 balais, mais alors là, je suis mort, là, aujourd'hui. Une belle reprise, juste avant de retrouver Christelle d'Horoscope, il y a des infos un petit peu insolites aussi. Voici Claudio Capéo qui reprend Renault. C'est Morgane de toi. Tu te rappelles de Renault, Morgane de toi? Oh oui. Bah écoute, c'est Claude Capéo, là. Mario, il a au moins 4 ans. Il veut te piquer, t'appeler ton saut. Ta couche culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos.

L'horoscope, c'est maintenant. C'est maintenant avec Christelle qui vient juste d'arriver à la radio, chroniqueuse de ton enfant qui viendra faire un petit tour. Et ça me fait plaisir que tu sois là, ancienne animatrice radio dans les années 80, fin 80. Avec nous, elle a travaillé hein, sur une petite radio locale qui s'appelait Radio 5 à l'époque et qui n'existe plus maintenant. À Saint-Jean-de-Bray dans le château. Hein, on était dans un château. Dans les combles. Dans les combles, ouais, on était riches. Hein, on était au fond dans les chambres de bonne. Voilà. Mais quel souvenir. Hein, voilà. Ça a été créé en même temps que même comme arc-en-ciel hein, quasiment. Ouais, une vieille à radio. Près, en tout cas, une radio qui est toujours là. C'est l'Orléans, vous salue 96.2 sous le soleil de la radio et sous le soleil d'horoscope. On démarre avec les béliers, Christelle. Alors, les béliers, taquinez votre entourage et votre activité préférée du jour. Il n'y a jamais assez d'effervescence pour vous et vous prenez un malin plaisir à piquer vos proches pour les faire réagir. Parfois, il n'y a que vous que ça amuse, mais souvent, vous avez l'art de détendre l'atmosphère. Attends, ils ont un bel horoscope ce matin. Les taureaux. Tout vous réussit, alors privilégiez le meilleur, vos amours, vos enfants. Vous avez en effet une belle connexion harmonieuse avec eux. C'est une météo affective agréable à vivre, mais côté cœur, c'est peut-être tumultué. Ah. Soyez câlin, jouez la carte du tendre. Ouais, des câlins, moi j'aime bien les câlins. Les gémeaux. Vous êtes trop impatient, laissez le temps au temps. De toute façon, vous aurez beau remuer ciel et terre, les fruits de vos actions mûriront au bon moment. Autant vous tourner vers d'autres préoccupations, vous devez notamment gérer une question d'organisation familiale. Attention, là, c'est les cancers. Ah c'est moi. Ça, c'est toi. Alors, fais gaffe à ce que tu vas dire parce qu'on m'écoute à la radio, alors essaye de donner des ondes positives. Ça te ressemble beaucoup, je trouve. Ah, bah vas-y, on écoute. Faites une bonne action, vous serez récompensé au centuple. Oui, car le duo Lune-Neptune vous invite à exprimer votre empathie naturelle. Parfois, un sourire suffit à illuminer la journée et justement, vous rayonnez comme un soleil. Partagez votre lumière. Ah voilà, bah là, je la partage, la lumière, le smile à la radio. Oui. Quand on a la joie à la radio, ça s'entend, c'est vrai. Ça se sent. Tiens, là, ça va sentir. Avec les lions, aujourd'hui, qui rugissent de plaisir. Gérer des questions matérielles en prêtant attention aux détails, hein. Le duo Lune-Neptune pourrait vous induire en erreur. Vous faites prendre des vessies pour des lanternes. Vous avez besoin de redoubler de vigilance pour mener à bien vos affaires courantes. D'accord. Et un bel horoscope ce matin. Je suis fan de cet horoscope. Les vierges. Les vierges, vous pouvez faire un grand pas en avant grâce à votre intuition. En effet, le duo Lune-Neptune est à double tranchant pour vous. Soit vous vous branchez sur la bonne longueur d'onde et vous progressez à vitesse grand V dans une relation, soit vous vous égarez en chemin. Ah voilà, faut faire attention, hein, les relations, des fois c'est un peu compliqué, des fois ça va pas, il y a des jours et avec, des jours sans. Les balances. Les balances, un changement vous déstabilise, de demander conseil à un ami, il vous manque une partie des informations pour y voir clair. Seul, vous risquez de ne rien comprendre au film. Un allié est à même de vous décrypter les dialogues. Bref, laissez-vous guider par une personne de confiance. Voilà, y voir clair. Hein. Si vous achetez une lampe torche, voilà, si vous voyez pas, hein. Comme ça, moi, ça ira. T'as vu, moi, j'ai de la blague le matin. Et puis, t'as des façons de tourner l'horoscope qui peut être sympa. Ça peut être sympatoche. Les scorpions. Prenez une décision, faites bouger les lignes, transformez une situation. Vous avez l'opportunité de voir l'un de vos rêves se réaliser. Ça, c'est cool. Ouais. À condition d'être acteur de votre destin. Votre sixième sens est intense. Écoutez ces messages et choisissez votre équipe de choc. Ah ouais, une équipe de choc le matin au boulot. Là, faites gaffe au patron hein, quand vous êtes à la machine à café. Hein, vous qui restez des heures à la machine. Les sagittaires. Arrêtez de brasser de l'air, recentrez-vous sur l'essentiel. Vous devez défendre votre territoire, qu'il soit d'ordre matériel, affectif ou spirituel, car vous avez le droit à votre espace vital, à votre périmètre de sécurité. Par conséquent, canalisez vos pensées, restez concentrés. Moi, je les canalise le matin, les pensées, parce que sinon, je t'explique pas, hein, c'est du lourd. Ça part en live. Hein. Ouais, ça part en générer autre chose, en gros mot, mais je vais me faire encore engueuler. Voilà, les capricornes. En dépit des apparences, votre vie continue à évoluer dans le bon sens. Vous vous sentez déboussolé, mais en fait, vous êtes sur les rails. Votre vision est vaste et précise, votre intuition est grande et vous êtes aimé. Vous faites des rencontres favorables à vos projets. Ah, le banquier peut-être. Ah, ce matin. Peut-être. Ça, c'est le meilleur. Hop, c'est mon meilleur ami, le banquier. Ah ouais? L'autre jour, je savais pas quoi faire, j'ai fait un selfie avec ma banque. Ah, bah ça, c'est sympa. au cas où j'aurai un crédit. Les Verseaux. Les Verseaux, l'aspect financier est valorisé. Optimisez la gestion de vos sous. Le travail s'avère payant. Si vous envisagez un investissement, vous avez les cartes en main. À vous de jouer la partie avec talent. Côté cœur, vous continuez votre lancée débordant de chaleur et de générosité. Oh, c'est mignon. Et on finit avec les poissons. Les poissons mystérieux et inspirés, vous êtes un véritable personnage de roman. Quel rôle allez-vous jouer? Le premier, bien sûr. Une histoire d'amour serait l'idéal, car les astres éclairent votre vie affective d'une lumière rose. Oh, c'est joli. C'est magnifique. En affaires, vous pourriez incarner la chance et le succès, en toute modestie, bien sûr. Ah, c'est pas mal, les poissons, ce matin. Oui, j'aime bien. Tiens, en parlant de poissons, on m'a offert un poisson ce week-end. Oui, ouais, je l'ai appelé Seth, comme la discothèque. Bah oui. Je l'ai appelé Seth et c'est sympa. Merci. Elle s'appelle Marie-Hélène. Je dois la remercier. Je crois qu'elle écoute la radio ce matin. Alors, ce qui est rigolo, l'anecdote hein, pour se marrer, parce que j'étais dans un endroit où j'ai fait la fête et j'avais rien pour le mettre, j'ai mis dans un seau à champagne transparent. Bah écoute. Ouais, voilà, comme ça il va pouvoir picoler cette nuit le 7. Merci Christelle. Oui, on se retrouve tout à l'heure pour l'horoscope. Et puis avant, il y aura des petites infos que tu as tapé chaud là. Hein, des bons trucs. Et c'est la vie. Voici le collectif métissé, je les adore, c'est la famille. Et puis passez une belle journée avec du soleil aujourd'hui, 7h55. Et puis on parlera de peinture tout à l'heure avec une invitée qui s'appelle Léa Pastel. Bah oui, Léa Pastel. Voici le collectif, c'est la famille. C'est bon ça, hein. C'est la reprise de Halet par le collectif, la famille. On a envie de faire la fête là quand même hein, en ce moment, il y en a plein. Ça donne envie de danser. Ah, ça donne envie. Et puis Fabien Dumain qui sera là dans moins de 10 minutes, le chroniqueur aussi de la radio. Hein, et un super mec Fabien, tu vas voir, ouais, je l'adore. Franchement, c'est un super, super mec qu'on adore. Et puis on aura une invitée, Léa Pastel, à 8h15, 8h30. On va parler de peinture. Tu connais un peu les peintures, non? Bah tu vas voir ce qu'elle fait. Elle expose, elle fait des belles choses. Est-ce que tu connais l'île de la Réunion? Un petit peu comme ça? Alors, je connais pas, je n'y suis jamais allé, mais j'ai ma cousine qui vit là-bas. Ah, bah voilà, bah tiens, un bon souvenir de l'île de la Réunion. Il s'appelait des îles, il s'appelle toujours des îles. Sans doux et la rivière. Mon sentiment, ça fait longtemps que je t'attends. richesse. C'est vous, c'est là que j'ai toujours donné mes caresses. Nous sommes celles la faisons de promesses. Que jamais nous va séparer, tu vas rester ma princesse. À chaque fois tu es à son mon qu'on est vêtu des deux. Quand tu es à mes côtés, mon dos les passés vides. Les laisse pas ça nous contrôle pour faire des mauvais gestes. Je vais pleurer un océan pour que tu sois ma princesse. Une nuit je fais la rivière, une nuit je pleure la mer. Un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. J'ai fait pleurer un océan, toi que j'aime infiniment. Sans où, mon bébé, sans même au fouet. Une nuit je fais la rivière, une nuit je pleure la mer. Un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. Pour couper ce consentiment, ça fait longtemps que je t'attends. Sans où, mon bébé, des fois je t'aurais aidé. Te faire savoir que mes paroles sont sincères. Donne-nous tout mon amour à cause du con mauvais valet. Ce jour on se sépare, tu vas me quitter en plein. Donne-nous tout mon amour à cause du con mauvais valet. Parfois je suis coupable, j'essaie de clamer mon innocence. Tu m'épanouis parce que tu m'aimes et tu me donnes ou qu'une sentence. La seule façon d'oublier mes torts, car c'est pas ta présence. Une minute sans toi, chérie, je me sens en défaillance. Une minute, je vais l'arriver, une heure, je vais. De la mer, un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. Je fais pleurer un océan, toi que j'aime infiniment. Sans où, mon bébé, des fois je t'en rêve. Quand je suis avec toi, la vie est vraiment imprécise. Ivre ou quand à moi, on nous regarde le futur. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu désires. Je t'ai promis sans aucun doute, je vais tout accomplir. Les temps ivres, j'ai offert mon simple grand plaisir. Serre-moi, attends-moi, mon Dieu. Ah, c'était bon ça. Les la rivière. On te rappelle de ce titre, non, un peu, ouais. Un petit peu, oui. Ouais, c'était sympathique ça, pour danser en boîte. Moi je dansais comme ça, là. Je bougeais la tête de haut en bas. Hein. 8h pile du mat, on est en direct. Hein. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Et puis ce matin avec Christelle qui est là, Fabien Dumas qui va arriver dans quelques minutes. Et puis on aura une invitée aux alentours de 8h30, c'est Léa Pastel. Elle fait des belles peintures, elle fait des expos, on en reparlera avec elle. Ouais, c'est bien. Pas... Ouais, ça va détendre un peu l'atmosphère. Et puis je voulais saluer aussi Florent Amigo qui enregistre toutes les émissions. Le petit Florent, salut Florent, tu voulais lui faire un petit coup. Bonjour Florent. Voilà, il t'a envoyé un message d'ami. Oui, c'est très gentil. C'est mignon, qu'est-ce qu'on l'adore à la radio, mon petit Florent. Franchement, j'adore. C'est un super mec. Il doit être très très gentil. Ouais, j'en il est suis super sûr. Cool. Ouais, c'est super cool. Bon, on va parler d'infos un peu. On va parler de pompiers volontaires ce oui. matin et des belles actions. Oui, de très belles actions de deux jeunes pompiers volontaires, un saumurois qui se prénomme Thomas et un beaufortais qui se prénomme Alexis. Salut ils les filles, les mecs, pardon. On voit quand même. Bah, ça va, toi. Ils embarquent aujourd'hui à Saint-Dié-sur-Loire sur un radeau qu'ils ont construit eux-mêmes afin de rejoindre Saumur d'ici le dimanche 25 juillet. En faisant le temps. Tout en nettoyant les bords de Loire, en ramassant tout ce qu'ils pourront nettoyer. Trouver. Ah ouais, qu'un radeau, carrément. Moi, c'est en bien. Radeau. Ils vont mettre tous les déchets après, on sait pas. Alors, ils vont être rejoints par une dizaine de volontaires. Ah ouais, d'accord, ouais. Et ils espèrent bien en ramasser le plus possible. Ah, ça, c'est et bien. Puis nettoyer les abords de la Loire. Ouais, moi, je trouve cette action très, très belle. Ouais, arrêtez de balancer des trucs, là. Alors, est-ce qu'il y a une canette de bière, je crois que ça met 100 ans. Non, mais faut être honnête. Ah, je sais pas trop, ouais, mais je pense, c'est comme quand ça, on va se promener sur le bord de Loire, il y a des fois vraiment. Et puis maintenant il y a les masques. Alors, voilà. En plus les masques ça va dans l'eau pour les poissons c'est pas bon parce qu'ils se prennent au piège dedans. Ouais. Ouais. Franchement je trouve que c'est une très belle action. Bravo ouais, à eux. Ouais, bravo les mecs et puis ouais balancez. Bon courage surtout. Balancez pas tout par la fenêtre hein, franchement vous êtes dégueulasses le matin. Pensez à vos petits poissons que vous allez aller pêcher. Moi je pense à mon petit poisson 7. Salut mon petit poiscaï. Oh il est mignon. Il doit dormir là. C'est un combattant. Hein. C'est un combattant. J'ai vu. Tu il connais? Est très très beau. J'ai eu des combattants, oui. Effectivement. Apparemment, faut pas mettre n'importe quel poisson avec lui parce que sinon il les tue. Faut c'est éviter. Essaye de mettre un miroir contre le. Ah ouais, il se bat tout seul dans le miroir. Non, non, mais tu vas voir qu'il va bien élargir son panache. Ah, un miroir, hein, d'accord. Il va croire qu'il est attaqué et là il va te montrer sa splendeur. Ah ouais, oh bah voilà, bah, ouais, j'en apprends place. Pas trop longtemps quand même, faut pas l'énerver trop. Mais ne serait-ce que pour lui comme ça, il va croire qu'ils sont plusieurs. Voilà. Ah ouais, d'accord, c'est pas bête. Et ça. Tu vas voir la splendeur que ça peut être quand ils sont un petit peu énervés. Je vais acheter une glace ce matin, me mettre dans la baignoire. Je crois que je vais me foutre dans la baignoire, le combattant. Allez, et le meilleur des souvenirs. Ça, c'était l'époque de Radio 5. Ah, ah oui. Ouais. Cock Robin, ouais. When He Hurt His Wake sur Radio Arc-en-Ciel. Pour le poisson rouge, j'ai mis de l'eau froide dedans, fallait pas apparemment, enfin, non. Faut pas qu'elle soit trop froide. Ah bah elle était glacée, en fait je me suis bourré, sortait du congél la flotte, non. Le pauvre. Non, ça lui a mis un coup de... Je vois, il est vigorant maintenant, il a la pêche mon poiscaille. On va te mettre dans une baignoire pleine de glaçons. Ah, aïe aïe aïe. Enfin, après je vais aller, tu sais, ça va se rétrécir, mais, tu vois ce que je veux dire. Les lèvres toutes bleues. Il n'y a pas que les lèvres, hein. Il y a autre chose aussi qui va se rétrécir, mais bon. Un escargot. C'est ça, un petit escargot. When your heart is weak, Fabien Dumacquart dans quelques minutes. Et puis avec toi, après on va parler d'autre chose, on va parler de... Alors on va parler du plus haut château de sable. En plus c'est l'été, c'est les vacances, c'est pas voilà. Voilà. Et puis moi, un groupe que j'affectionne, c'est les Chico and the Gypsy qui ont repris Gérard Blanc, Une autre histoire. Tu te rappelles de Gérard Blanc? Ah oui. Alors Gérard Blanc, je raconterai, j'ai une petite histoire avec lui, enfin pas lui, avec sa fille à la radio, et j'en parle juste après. Voici la reprise de Gérard Blanc, Une autre histoire. Rappelez-vous ce titre à Radio 5, on le jouait à l'époque. Oui. Radio Arc-en-Ciel, 8h07. On oublie tous les gens, tous les noms, pas tous les bateaux touchés. passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent. Pourquoi? Elle dit j'imagine des mots dans le silence. Pourquoi? Des jours et des nuits où la vie recommence. Comme ça, encore une fois. Et on démarre une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. Mais ça, c'est une autre soleil, un peu caliente. Les Gypsy Family, la reprise de Gérard Blanc, bah justement j'avais une petite histoire là-dessus. C'est qu'un jour j'étais à la radio, une autre radio, et je descendais à la machine à café pour boire mon café, hein. C'est normal, normal, hein. Et puis là je croise une superbe jeune fille avec une grande chevelure et tout, et puis bon, on se dit bonjour et tout, et puis je viens discuter avec elle, et puis elle me dit son papa était décédé malheureusement, Gérard Blanc. Elle me dit Émilie Blanc. Donc pour l'instant ça me parle pas. Et puis après en fait elle me fait le rapprochement que c'était la fille à Gérard Blanc. Elle venait faire des voix pour les radios, tu sais. Ah oui. Elle a prêté sa voix pour les radios et elle enregistrait des jingles. Et, et après c'est vrai qu'elle ressemble super à son papa. Voilà. Ah. C'était l'anecdote. Et puis avec toi, on va parler de château, si tu veux. Oui. Bien. Château de sable. Château de sable. Bah, juste avant, c'est le réveil matin. Bah ouais. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh ouais, c'est Francky dans la radio, on va parler de château de sable. Alors que se passe-t-il avec le sable? On voit que c'est vacances en plus en ce moment, on est bien. Oui, il va falloir battre les Danois. Ah, les Danois. Oui, le Danemark. Les Danois, le château le plus haut. Le plus haut a été construit au Danemark. Faut pas le détruire, hein, si vous passez sur la plage. Hein. Non, mais c'est quelque chose d'impressionnant. Il fait 21 mètres 16. De haut? De haut. 21 mètres, oui. Ah, la vache. Il a fallu 4860 tonnes de sable. Ah oui, quand même, ouais. Voilà, alors en fait, les Allemands détenaient le record avec un château construit en 2019. Il faisait que 17 mètres 66. 21 mètres, ça fait quoi? Ça fait beaucoup, 21 mètres. Ça fait beaucoup. J'ai du mal à me représenter, en fait. J'imagine, à 21 mètres de haut, là, ça va être sympatoche à faire un château. Alors, faut quand même penser que pour qu'un édifice pareil tienne, il y a une construction en bois qui est faite en dessous, quand même, pour que ça tienne. Et il a fallu une sacrée ripotée de constructeurs. Ouais. Ils se sont mis à... Ça y est, j'ai perdu ma petite information. Ils sont mis à plusieurs. Que, voilà, ouais, c'est à plusieurs. Ah, oui, mais que des sculpteurs professionnels. Ouais, parce que pour faire ça, pas facile. Hein. Ah, oui, oui, oui. Ouais. Ils étaient 30. 30 sculpteurs professionnels. En tout cas, je ne savais château. Pas qu'il pouvait y avoir des sculpteurs professionnels pour les châteaux de sable. Bah, il faut le laisser en place, hein, le château, si vous passez par là. Oui. Faut ça pas doit le être détruire. Magnifique à voir. Allez au Danemark. Ouais, allez au Danemark, on se balader. Joli dans le voyage. Château. Bah ouais, on va voyager. Hein, et puis, Fabien Dumas qui vient juste d'arriver dans les studios de la radio. Et puis, on va parler de peinture aussi en direct à 8h30. Du son qui arrive toujours avec un DJ portugais qui remixe tout. Et on adore. Voici Lento, le remix de DJ Alux de Portugal. Direct, ça me fait plaisir d'être là avec vous, avec Daniel Santa Cruz. Tu connaissais ce DJ, non? Pas du tout. Ouais, c'est remixé j'aime par. Beaucoup, je... ouais, c'est un DJ portugais qui a remixé Lento de Santa Cruz. Il s'appelle DJ Alux. Et on l'adore. Là, je vais vous faire rappeler des vrais, vrais souvenirs. Et forcément, vous allez peut-être avoir les larmes aux yeux. Peut-être que vous étiez en boum à l'époque. Peut-être que vous avez emballé des filles ou des mecs là-dessus. Tu te rappelles de ça? David Charvet. Oh là, mon Dieu. Ah, mon Dieu. C'était oh bien, mon hein. Dieu. C'est pour Estelle, d'Orléans. J'ai ouvert la porte. J'ai touché ton foulard. J'ai joué quelques notes. Sur le piano blanc, au milieu du salon. J'avais pas la musique, t'as écrit la chanson. Y'avait comme une lettre qui était pas pour moi. Je me suis dit peut-être je la lirai ou pas. Je l'ai lu, j'aurais pas dû, je crois. Faudra jamais rentrer chez toi sans toi. Should I leave or should I stay? Should I come back another day? What you want is not the same. We're just two different kids at play. We're just two different kids at play. J'aurais voulu te dire, mais il est un peu tard. Que c'est dans tes sourires que j'oubliais le noir. Des flashs dans mes yeux et des scènes dorées. Mais c'était pour nous deux que moi j'avais tout fait. Should I leave or should I stay? Come back another day. What you want is not the same. We're just two different kids at play. We're just two different kids at play. Copie, hein, il chante en même temps que moi le mec. C'est de la copie ça, Christelle, hein, t'as vu hein. Ah ouais. Ouais, on a emballé là-dessus. Je crois que tu chantais plus. Ouais, bah ouais, je sais que je chante bien moi. Attends, c'est rien à voir avec comment il s'appelait déjà lui. David Charvet là. Oui, je crois que chercher son blaze. Je me rappelais même plus du nom. Par contre, j'ai emballé là-dessus moi à l'époque. Hein. J'en ai roulé de l'appel hein, sur Should I Leave, Should I Stay ou Should I Go. Dans ça, c'était les Clash. Hein, Fabien Dubas, il connaît ça, les Clash. Ouais, salut à tous. Les Clash, évidemment, très très bon groupe anglais. Fabien Dubas qui me l'a avec le masque de Zorro aujourd'hui. Non, c'est justement, c'est l'effigie d'un groupe de Bordeaux. Eh ben, on les salue. Comment il s'appelle ce groupe? Les Hyènes. Les Hyènes, mais justement, le bon plan avec toi, mon Fabien Dubas. Est-ce que tu veux le jingle ou pas? Ton jingle. Allez, fais péter le jingle. Bon, attention, le jingle à Fabien Dubas, on appuie sur les boutons. La chronique de Fabien. Oh là là. Ça claque. Je voudrais dire, c'est Pascal qui nous fait les jingles. Merci à Pascal. Et je vais avoir un jingle pour tout le monde après. Hein. Il est en train de les travailler là. Il est au bord de la plage, mais dès qu'il a fini de se faire bronzer le torse, il me renvoie des jingles. Hein, voilà, c'est comme ça que j'ai envie de dire. Et bah, c'est nickel. Merci à Pascal, puis bonnes vacances. Ouais, on le salue, mon Pascal qui nous fait les jingles de la radio. Super cool comme mec. Hein. Et ouais. En plus, il m'envoie ça en 2-2. Hein. Je l'appelle demain. Je l'ai en 2025. Hein. Très réactif. Très réactif, le Pascal. Pascal, salut mon ami. Voilà, comme dirait Guilux. Fabien Dubas, notre invité aujourd'hui. Oh, j'ai un chat, oh, j'ai une chatte dans la gorge, pas un chat. Ça fait marrer tout le monde là-dedans. Ça rejoint ton poisson, le 7. Le ouais, 7. Ouais, mon poiscaille. Ouais, j'ai mis de l'eau glacée, le pauvre. Il est en train de se battre avec les icebergs. Ça va être Titanic dans le bocal boom. Et ben, on continue de parler poisson avec la guinguette la sardine. Eh ben voilà. Et ben, ça se passe. Des bons plans. Ça se passe ce soir à 20h30 avec Pat Cala. Alors, c'est un concert plutôt afro-funk qui va se faire là-bas. Ouais. À 20h30 à la guinguette au bord de la Loire avec un petit verre à la main. Ça va être sympa. Ouais, sympa. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Fabien Dumas. Tout à fait, tout ah, à fait. Ah, c'est mieux sur le masque. Hein. Ouais, c'est mieux, je m'étouffais un peu la voix là. Ouais, en live, il allait disparaître, j'aurais pu appeler le 15 et tout. Ça se passe demain, vendredi 16 juillet à 21h45. Ça se passe, si vous voulez faire de la rando et tout en profitant d'événements culturels, ouais. Eh bien, c'est une manifestation insolite. Mmh. Et ça se passe à Ormes, sur les routes d'Ormes. Ah, la ville d'Ormes, ah bah, je salue la présidente, elle habite à Ormes. Bonjour Christine la présidente et bonjour à la ville d'Ormes, voilà. Une sortie quoi, pédestre ? Ah, randonnée pédestre avec plein d'événements, des performances culturelles tout au long du parcours. Oh, c'est pas mal ça, ouais, c'est pas donc, mal. Donc il y aura de l'humour, il y a du théâtre, voilà, il y a du chant aussi également. Ah bah, c'est bien, bah voilà, belle donc, ville. Ormes. Donc voilà, rendez-vous à 21h45 à Ormes pour cette randonnée pédestre, les nuits des mirages. Ah, des mirages, alors si vous voyez un truc sur la route, faites gaffe, hein, c'est peut-être pas une réalité. C'est peut-être hein. pas ça forcément. Ouais, ouais, ouais. On passe à samedi avec un concert de Solennel Dada, ça se passera Place du Martroi. Ouais, en plein après-midi à 4h30. En plein soleil. En plein soleil. Alors, c'est une fanfare un petit peu voilà, pleine de pétillante et pleine d'humour aussi qui jouera avec mêlant quelques sons électriques. C'est ça les fanfares. Hein. Exactement. Alors, ils ont des très beaux chapeaux avec des plumes oranges. Je vous conseille d'aller les voir. Hein, vraiment. Ah, ils ont des plumes oranges. Ils ont les chapeaux. Ah, ouais. Mon truc à plumes, ben le chapeau. C'était qui la grande Zoa qui chantait ça là? C'est ça. T'as connu ça? Bah, bien sûr, j'ai connu, ouais. Ah ouais, l'époque de, comment il s'appelait le mec qui est décédé, malheureusement, là, le grand caramaré parisien, là. Je sais plus, là. Michou? Michou? Bah, je l'appelle Mimiche, moi, excuse-moi, c'est un pote. Ouais, salut Mimiche, qui nous écoute du ciel. On le salue bien, bah, on continue, on va du côté de Loris, samedi, pour un concert des King Size, ça se passera au Sauvage. Eh, ça claque, toi, t'es les bleds, hein. Loris. Ah, on essaie d'être partout ouais, en département. Donne de la valeur, dit, on va, je sais pas, on va du côté de Cannes, tu vois. À Loris, salut les Lorissois, tous les Lorissois et les Lorissoises. Je sais et pas puis dimanche, on peut aller dans le centre-ville d'Orléans en plein après-midi de 13h30 à 17h30 avec une sortie des mystères et sortilèges. Alors c'est une sorte de jeu un peu à travers le centre-ville. Ouais. Il y a l'idée, c'est voilà, le synopsis un peu de la rando, c'est de ce parcours au sein de la ville. Je cherche mes mots un petit peu. Ouais, vas-y, cherche. Tu veux un dictionnaire? Voilà. cette année, les 5 plus grandes écoles du monde magique se réunissent à Dragastel. Donc ça, c'est dans Orléans, on va dire, lors d'une grande cérémonie. Mais rien ne se passe comme prévu. Mince. Les directeurs des 5 écoles se font capturer et les boucliers protégeant les écoles sont menacés. Oula, donc là, c'est là que les gens interviennent. Ouais, c'est là que il faut rechercher un peu tout ça et parcourir dans la ville et trouver des indices pour résoudre l'enquête et sauver les écoles. Ouais, c'est un truc à Colombo, ça, quoi. Voilà, c'est. Ah non, le jeu là où on cherche le tueur là, je sais plus comment ça s'appelle. Cluedo. Voilà. Ah bah merci Christelle, 3 points pour toi. Et on risque de rencontrer Harry Potter pendant le rando. Alors, je veux pas tout dévoiler, mais il se la joue lui quand même. Les infos insolites, ah c'est bien ça. Bravo Fabien Dumas. Merci. On continue avec Jarge aux plages. Ah voilà. Ah, encore un bled qui claque. Ah ça c'est du lourd. Si vous allez à Jarge aux plages, attention. Alors, tous les ans, il y a l'événement avec le tremplin musical, avec plein de groupes qui sont programmés sur la scène au bord. Vraiment, c'est au bord de la Loire hein, à Jarge aux. Ouais. Bah là, malheureusement, on a vu qu'il y a eu quelques événements de pluie ces jours derniers. Ah un peu. Ouais. Ce qui fait c'est que voilà, l'été, hein. C'est l'été en même temps. C'est l'été. Hein. Ouais. Oh, je connais même quelqu'un qui a fait une raclette hier soir. Non. Moi j'ai un pote, il a allumé la cheminée. Hein. Ouais, mais non, mais c'est... Il a fait un feu de bois. Hein. Donc voilà, avec la pluie, le froid, bah, forcément le bord de plage n'est pas forcément très stabilisé, très stable pour pouvoir accueillir la scène qui fait quand même pas loin de 4 tonnes avec tout le matériel. Ah la vache, ouais quand même. Donc c'est repoussé à la semaine prochaine. Ah ouais, ah oui, voilà. C'est vrai qu'avec les pluies, ça affaisse un peu le terrain. Et donc, si tout va bien, voilà, on aura des nouvelles samedi prochain pour éventuellement commencer les concerts la semaine prochaine. Ouais, faut pas écrouler le pont de Jarjo parce que en fait, il s'affaisse un petit peu à droite à gauche. Non, je rigole. Non, les mecs sont sur le pont à cette heure-ci, ils écoutent. Fallait pas le dire ça, Francky. Hein. Ils vont tirer le pont, il va se casser la gueule, barrez-vous vite. Non, on rigole, hein, c'est des conneries. Mais hein. Bien évidemment. Et puis alors, Si vous avez envie de chiner et trouver des choses, là, chiner, ouais, c'est à l'ancienne, ça. Ah bah, on est ancien. Hey, on a... C'est pour les vieux, ça. Passé 40 ans, tu sais quoi. Ah, le ouais, vocabulaire c'est... change. Oh la vache, moi, je suis venu en déambulateur, moi, hein, ce matin, à la radio. Ouais, un moteur, hein. Mais bien sûr. Bah, si tu cherches un autre déambulateur, ou un vinyle, ou, je sais pas, ou une belle ouais, armoire pour chez toi. On peut chiner. Et bien, t'as un vide-grenier, dimanche, 18. Je vais y aller, c'est où? Et alors, ça se passe. Alors, c'est dans, on parlait de nom de bled qui claquait. Ah, attention, là. Ça se passe au lieu dit le Petit Souper. Voilà. Alors c'est où? C'est entre Gien et Argent-sur-Saudre. C'est très joli comme coin, donc vous en profitez pour faire votre vide-grenier. Ouais. Et puis vous promenez après aux alentours, c'est très sympathique. Et moi j'aime bien les vide-greniers, les vieux trucs. Enfin, j'aille, c'est loin d'Orléans ça, non? Non, Gien, c'est à une bonne demi-heure, ouais, on va ouais, dire. D'accord. 30-40 minutes, ouais. Par la tangentielle. Ouais. Oui, c'est direct. La tangentielle qui est tout le temps bouchée. Salut d'ailleurs, si vous êtes sur la tangentielle qui est bouchée, on vous salue dans les bouchons. Toujours en travaux. Ouais. Eh ouais, c'est relou cette tangentielle là. Toujours en travaux, t'as des kilomètres de bouchons là parce qu'ils sont en train d'enlever les herbes. Je comprends pourquoi ils travaillent pas la nuit, les mecs. Hein. Ouais, c'est plus cher, peut-être. C'est peut-être plus cher. Ça se je sais pas, parce qu'à Paris, le périph, il est entretenu la nuit. Hein. Enfin bon, là, il le ferme la nuit. Ouais, hein. Donc travailleur. J'appelle au chef de la passerelle, de la tangentielle. La passerelle, c'est quelqu'un d'autre. Travailler la nuit, hein, parce que ça nous emmerde l'après-midi. Hein. Franchement, c'est clair. Oh, là, le jour, il y avait un kilomètre, là, j'allais faire des courses, là. Ah, j'étais déprimé. Bah, c'est ce qui revient souvent, hein. C'est souvent ouais, bouché. Ouais. On fera un sujet sur la tangentielle. Hein, voilà, on fera une spéciale tangentielle, l'un de ces quatre. Ouais, ça me fera plaisir. On continue avec le prochain week-end, le vendredi 23 et samedi 24 juillet, ça se passera au château de Main-sur-Loire. Ah, avec, il est beau le château, j'aime bien moi. Avec l'événement Les Bruits du Monde. Alors c'est des scènes de lecture qui se feront au sein du château. Ouais. Et il y a beaucoup de comédiens un peu renommés qui viennent. Hein, donc il y aura Samuel Labarthe vendredi avec Joseph Roth, Thibaut de Montalembert. Ouais, c'est un pote à moi. C'est lui qui jouait dans la série 10% entre autres. Joseph ouais. Kessel également qui sera là samedi 24. Ouais. Là, tu vas connaître Fanny Cottençon. Ah bah Fanny, hein, toute c'est une jeunesse. Ouais, c'est une ex à moi. Je l'ai plaqué en 92. Ouais, ça allait plus. Voilà, avec Fabienne Verdier, ça se passera samedi 24. Donc vendredi 23 et samedi 24 au château de Main-sur-Loire, Les Bruits du Monde, avec des scènes de lecture et par des grands comédiens. Eh ben, on a des grands trucs avec toi là, des grands projets de voilà, sortie. Et ça continue. Et ça continue, on en a d'autres. Non, ça continue pour les prochaines semaines, ça va venir. Pour qui? Eh, on est des malades, hein. Merci Fabien Dubas. Ouais, je t'en prie. Eh ben voilà, l'horoscope qui arrive dans 5 minutes avec Christelle et puis notre invité qui vient d'arriver, on va la saluer. Bonjour, Léa Pastel. Bonjour à tous. Bon dia, comment tu vas bien? Plutôt bien, oui. On va parler de peinture avec toi, je crois, si c'est ça, si c'est je me trompe pas. Ah ben voilà. Pastel. De pastel, voilà. Alors qu'est-ce que la pastel? La pastel, on sera dans quelques minutes en direct sur Radio Arclésia. Vous êtes bien sur le 96.fr.fm. Pardon, je me trompe dans les lettres. J'ai mon prompteur qui décommande et Christelle qui arrive avec l'horoscope. Elle est prête, la Christelle? Oui, elle est prête. Oh, si t'es pas prête, tu le dis, hein. Ouais, pas grave. Au Portugal, forza! Allez, Lucenzo sur votre radio couleur et l'horoscope qui arrive, il est à pastel. Ah, j'adore ce mec. Lucenzo avec Baila Moreno, Dame un beso. Vrai de ça avec vous, Bandi, à la familia. Si vous voulez arriver dans les studios de la radio, et ben on est en pleine forme, 8h35 minutes, on est en direct. Et ça me fait vraiment plaisir. Sous le soleil aujourd'hui, les températures jusqu'à 24 degrés. Nuages, soleil, normalement pas de pluie. Ça, c'est la très très bonne nouvelle. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Ah ouais, allez. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Et c'est Francky dans la radio, puis on avait oublié une petite chronique et Fabien Dumas insiste hein, parce qu'il s'est fait rattraper à l'ordre. Ah, j'étais rappelé à l'ordre. Parce que à mon avis, t'habites à Saint-Jean-de-Bray, Christelle. Et surtout, c'est les souvenirs au château des Longues Allées. Et voilà, donc on va parler du château des Longues Allées, qui était le château à Louis XIV à l'époque, quand il dormait là-haut. Non, je rigole, je raconte des conneries, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a au château des Longues Allées? On a la guinguette qui se fait depuis quelques années. Ouais, une guinguette. Oui. Ça fait quelques années. Et je salue Christian qui est du Festival des Casseroles. Ah, les casseroles. Ouais, il travaille dans les cuisines. Tiens, la buvette. Ouais, il travaille pas dans les cuisines, lui, non? Non, il travaille pas dans les cuisines, les casseroles. D'accord. Non, c'est une petite blagounette. Je sais bien, Francky, mais tu sais. Moi, je suis le roi de la blague. Quand on parle de la guinguette, on est sérieux, Francky. Ouais, bah, moi, je suis sérieux. On est sérieux. Voilà, la guinguette. Alors, qu'est-ce qui se passe là-haut? Alors, vendredi 16, il y a Patrick et ses amis. C'est du pop rock des années 70. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est pas sympa. Ils ont les bananes, non? Sur la tête? Je crois qu'ils ont les bananes, ils ont des lunettes aussi. Les formants, comme les formants. La banane, le smile. Ils ont des lunettes, ils ont les cheveux gris. C'est Patrick et ses amis, ça se jouera à 19h30. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça va être bien ça. Et puis samedi, soirée Brazik Up. C'est ce qu'on avait souvent dans la médiathèque aussi. Brazik, ça vient de Bretagne. Brazik pour Saint-Jean de Bray. Ah ouais, Brazik. Brazik Up. D'accord. C'est les événements qu'il y avait dans la médiathèque avant le Covid. Ouais. Hein, on pouvait faire des petits concerts acoustiques. Donc là, c'est le concept qui est repris à la guinguette. D'accord. Et samedi, vous avez Muddy and the Hype. C'est du pop rock folk. D'accord. Et okay. Ça jouera à 19h30 également. Et ben, Saint-Jean de Bray. Tout ça. Et il y a aussi un cinéma en plein air samedi soir. Ah, on est dans les bagnoles. Un cinéma en plein air, comme dans les dernières séances, non? C'est pas non, ça. Non, parce que le parking il est un peu à l'écart de la guinguette. Ah, sinon, bah ouais. Donc t'auras peut-être que le son, mais t'auras pas l'image. Ah ouais, bon, on fait comment là en plein air? Bah, tu viens, tu prends ta petite chaise ou ton petit tabouret, ah oui, ou ta couverture, et puis la tu te mets dans l'herbe. S'asseoir dans le parc du château, c'est franchement agréable. Si t'es avec une copine, tu peux la pêcher en même temps, c'est dans le cinéma. Bah, parce que en général, c'est fini comme ça. En tout cas, merci Christelle qui nous a relayé l'information. Ouais, parce que sinon, on se fait engueuler. Ah bah, là, je veux dire que. Attends. On va se servir un jour. L'horoscope avec Christelle, bougez pas la famille. L'horoscope, c'est maintenant. Eh ouais, c'est maintenant ou jamais. Pascal pour les jingles à radio. Christelle avec l'horoscope de la journée. J'espère que vous avez toutes vos oreilles ce matin. Écoutez bien l'horoscope et c'est parti. On démarre avec les béliers. Les béliers, taquinez votre entourage et votre activité préférée du jour. Il n'y a jamais assez d'effervescence autour de vous et vous prenez un malin plaisir à piquer vos proches pour les faire réagir. Tac. Parfois, il n'y a que vous que ça amuse, mais souvent, vous avez l'art de détendre l'atmosphère. Ah tiens, tu es dans l'atmosphère. Allez, les taux. Tout vous réussit, alors privilégiez le meilleur, vos amours, vos enfants. Vous avez en effet une belle connexion harmonieuse avec eux. C'est une météo affective, agréable à vivre. Mais côté cœur, ça peut être tumultueux. Soyez câlin, jouez la carte du tendre. Ah, la carte, ouais. Et vous levez la main quand c'est votre signe, d'accord? Ouais, ouais. Ok, les Gémeaux. Vous êtes trop impatients, laissez le temps au temps. De toute façon, vous aurez beau remuer ciel et terre, les fruits de vos actions mûriront au bon moment. Autant nous tourner vers d'autres préoccupations. Vous devez notamment gérer une question d'organisation familiale. Ah, la famille, c'est important. Hein. Les cancers. Le cancer, comme notre Francky. Ah, bah tous les deux. On a le même en même temps. Faites une bonne action, vous serez récompensé au centuple. Oui, car le duo Lune-Neptune vous invite à exprimer votre empathie naturelle. Parfois, un sourire suffit à illuminer la journée. Et justement, vous rayonnez comme un soleil. Partagez votre lumière. Ah, moi, je rayonne tous les jours. C'est tout à fait bien ça, le soleil, le sourire, avec toi en face. Il n'y a que des cancers ici. On va attaquer le Fabien Dumas après, là, tu vois. Là, c'est vers la fin. Je sais pas ce qu'il est. Ah, vers la fin, d'accord. Les lions, gérer des questions matérielles en prêtant attention aux détails. Le duo Lune-Neptune pourrait vous induire en erreur. Vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Vous avez besoin de redoubler de vigilance pour mener à bien vos affaires courantes. Rugissez de plaisir les lions comme la pub à l'époque. C'était ça, hein, voilà. Les vierges. Les vierges, vous pouvez faire un grand pas en avant grâce à votre intuition. En fait, le duo Lune-Neptune est à double tranchant pour vous. Soit vous vous branchez sur la bonne longueur d'onde et vous progressez à vitesse grand V dans une relation, soit vous vous égarez en chemin. Ah ouais, faites gaffe, hein, ils font un plan, hein, des fois on se perd, hein, bah, ça arrive, hein, GPS surtout. Hein. Voilà, tom-tom. Tom-tom, les balances. Les balances, un changement vous déstabilise. Demandez conseil à un ami. Il vous manque une partie des informations pour y voir clair. Seul, vous risquez de rien comprendre au film. Un allié est à même de vous décrypter les dialogues. Bref, laissez-vous guider par une personne de confiance. Ouais, c'est bien d'avoir quelqu'un de confiance aux alentours. C'est important. Hein, ça peut c'est servir. Très, très important. Ça peut servir, hein, ouais, comme Gilbert Montagnier quand il se balade avec son chien, toi, c'est pareil. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était pas ça, n'a rien confiance. À voir, c'est sa la femme. Confiance, la confiance. La confiance du chien, voilà, qui vous emmène partout. Scorpion. Les scorpions, prenez une décision, faites bouger les lignes, transformez une situation. Vous avez l'opportunité de voir l'un de vos rêves se réaliser, à condition d'être acteur de votre destin. Votre sixième sens est intense, écoutez ces messages et choisissez votre équipe de choc. Ouais, c'est ton destin, oh, yo. C'est ton destin. C'était qui ça, les inconnus? Ah, les inconnus, les Sagittaires. Arrêtez de brasser de l'air, recentrez-vous sur l'essentiel. Vous devez défendre votre territoire, qu'il soit d'ordre matériel, affectif ou spirituel. Ouais. Car vous avez le droit à votre espace vital, à votre périmètre de sécurité. Par conséquent, canalisez vos pensées, restez concentrés. Amen. Les Capricornes. En dépit des apparences, votre vie continue à évoluer dans le bon sens. Vous vous sentez déboussolé, mais en fait, vous êtes sur les rails. Votre vision est vaste et précise, votre intuition est grande. Et vous êtes aimé, vous faites des rencontres favorables à vos projets. Bah, Fabien, il est vraiment à la fin. J'ai vraiment l'impression. Il en reste deux. Hein. Ah, je suis sûr qu'il est Verseau. Les Verseaux. Les Verseaux, bien sûr. Attention, on écoute. Alors là, silence, on écoute. Tais-toi, il n'arrête pas de parler. Soyons sérieux. L'aspect financier est valorisé. Optimisez les gestions de vos sous. Le travail s'avère payant. Si vous envisagez un investissement, vous avez carte en main. À vous de jouer la partie avec talent. Côté cœur, vous continuez sur votre lancée, débordant de chaleur et de générosité. C'est tout moi, ça. C'est argent et la thune, amour. La totale. La thune, les gonzesses, la générosité. Voilà, j'aurais pu parler, moi. Bon, c'est pas grave. Et on finit avec les poiscailles. Les poissons, mystérieux. Le pauvre Seth, mystérieux et inspiré, vous êtes un véritable personnage de roman. Quel rôle allez-vous jouer? Le premier, bien sûr. Une histoire d'amour serait l'idéal, car les astres éclairent votre vie affective d'une lumière rose. En affaires, vous pourriez incarner la chance, le succès, en toute modestie. Oh, c'est mignon l'horoscope avec Christelle, pas mal, hein? Alors, bien, ça s'écoute parfaitement. Et ben on va sur la route juste avant de retrouver Léa Pastel. On va parler de peinture avec toi si tu veux bien, Léa, dans quelques minutes, ça te va? Je suis là. Et ben on y va. Avant c'est De Palmas, on aime bien ça, la radio. Général, allez, on prend la bagnole, on est sur c'est la route, sur la tangentielle qui est super bouchée. Bonne journée. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'avais perdu l'habitude. Sur la route toute la fin de journée. car j'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées sur la route toute la fin de journée. Hey, je suis un fou, moi. Je viens de me cogner dans le micro à 4000 euros. Moi, je le pète, c'est pas le moment. Fabien Dumas qui est là, Christelle qui est là, notre chroniqueuse d'aujourd'hui, jeudi. Puis Fabien, le chroniqueur officiel, hein, super officiel avec ses jingles. On va accueillir notre invité si vous voulez bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez réagir. Hein. Vos micros sont bien sûr ouverts. L'invité du jour, eh bien on appuie sur les boutons. J'ai appuyé sur celui-là, tiens. Allez, appuyez partout. Au hasard. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, on parle de peinture. Alors, pourquoi on va parler de peinture? Bah, va vous le dire. Léa Pastel, qui est notre invitée au Journal de la Radio. Bonjour Léa. Bonjour à tous. Bonjour toute seule, ça va? Oui, ça va, merci. En pleine forme, merci d'avoir accepté l'invitation toujours pour la radio internationale Arc-en-Ciel Orléans 96.2 FM. Vous nous écoutez aussi sur le site internet radioarc-en-ciel.fr. Et Léa Pastel, on parle de peinture avec toi. Alors, quel genre de peinture on va parler? Alors, je vais parler du pastel, qui est une... un petit bâton de craie. Ah ouais, je savais pas. Voilà, avec du liant, où on peut faire des choses très très très modernes, ou d'accord, très classiques, ou très traditionnelles. Voilà. Eh ben, on va démarrer. Alors, qu'est-ce que la pastel? Ça s'achète où? C'est comment? C'est des petits bouts de crayon? Alors, ouais, c'est des petits bouts de craie, oui, très colorés. Il y a plus de 200 couleurs. Ah ouais, quand même. Oui. Et, alors, ça s'achète où? Je sais pas si je peux citer des magasins. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ah non, voilà, sinon, je vais me faire engueuler. Alors, moi, j'achète local. Voilà. J'achète local. Donc, c'est un artisan. Dans un magasin, des pastels. Et puis suivant le support que j'utilise, ben j'ai pas le même rendu. Voilà. Ah d'accord. Tu peins sur quoi? Enfin tu écris. C'est alors, quoi, on dit écrire ou peindre? Non, du peindre. Ah d'accord. Ouais, ok. Ouais. Sur des feuilles, mais on a différentes feuilles, différents supports et la superposition rend le comment on va dire le rendu. Le rendu. Non, le non, résultat. Mots, hein, dis, complètement différent. Oui. C'est toi qui as le dictionnaire, je crois. Hein, ouais, je l'ai pêché à Maître Capello. En 82. Voilà. Voilà. Et donc, les adultes, les enfants, les ados, ils trouvent du plaisir. On peut même faire du street art avec, avec du pastel. Hein. Donc, on est dans l'esprit street art. Hein. Sinon, ils vont me sauter dessus, hein, je pense. Ouais. Hein. Justement, en parlant de street art, on peut couper. Je suis sûr que ça m'a. M'en doutais. Voilà. Ça va intéresser Fabien parce que lui, il est éducateur. Ouais. Et du coup, en street art, sur la pastel, ça peut s'appliquer sur toutes les matières. Alors, le bois, la pierre. Non, t'es quand même. Obligé de préparer ton papier. Il existe un papier australien que j'achète où tu peux mettre de la bombe, tu peux mettre du pastel, tu peux mettre aussi bien un médium liquide ou un médium un peu plus consistant et tout. Ouais. C'est super, c'est un super papier. Tu peux changer d'avis, tu peux mettre de l'encre. Ça, c'est super quand tu inventes justement. Ouais. Ah ouais. Et ça supporte la superposition, donc tu peux recommencer. Ah ouais, d'accord, longtemps. Carrément. Ouais, c'est bien. Ouais, bah, Fabien, comme il est éducateur, où tu bosses, ça se trouve, ça serait bien de faire des séances pastel, non? Ouais. Peut-être, pourquoi pas. Ça peut les intéresser. Ah, j'adore. Hein, j'ai travaillé en MJC, j'étais art thérapeute de formation. Ah ouais, d'accord. J'ai travaillé en psychiatrie. Ouais, ok, d'accord. Et en psychiatrie, ça va, moi? Justement, je me posais la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour toi? Mais apparemment, t'es heureux. Donc, tes collègues m'ont dit que t'étais très heureux. Je peux m'allonger dans un clic-clac et parler pendant des heures, si tu veux. Tu vas endormir le psychiatre. Ouais, c'est ça, je l'endors. Ouais, je l'endors. Franchement, je suis honnête, j'ai jamais été voir de psychiatre de ma vie. Mais j'en ai peut-être pas besoin. Ouais, peut-être qu'un jour, j'irai en voir un. En tout cas, on parle de pastel ce matin avec toi, Léa, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, depuis combien de temps tu pratiques c'est quoi? C'est un loisir, hein? C'est un loisir, c'est mon travail. Ah, c'est ton job aussi? Oui, d'accord. Moi, je pose des questions. Bien sûr. Non, mais tu as raison, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un loisir. Non. Fabien, il n'est pas chroniqueur à la base. C'est un loisir. Il est polyvalent. Voilà, il est polyvalent. Il est polyglotte. Je répare les voitures aussi, je gonfle les pneus. Ouais, il travaille chez la vaisselle. C'est tout, le mec. Bon, ça, c'est normal de faire sa vaisselle. Non, moi, je la fais pas. Je la jette par la fenêtre, Bah voilà, c'est pareil. C'est la fête des voisins, comme ça. Non, donc c'est ton métier alors. Oui, c'est mon métier. Je vends des tableaux, j'anime des ateliers sur Olivet, Saint-Hilaire, Saint-Mémin, certaines associations d'emploi. Ah ouais, carrément. Voilà, j'anime des stages aussi à la journée. Mmh. Voilà. Tu donnes des cours? Je donne des cours sur Olivet, oui. Ouais. Ah ouais, toute la semaine, toute l'année. C'est bien voilà, ça. Juillet, août, pendant les vacances scolaires. Oui, Fabien, il lève la main comme un folle. Une question. C'est pour te montrer. Non, mais du coup, Toi, quand tu peins pour toi, c'est ton inspiration, elle vient d'où? Elle vient. Alors, moi, je me racontais une histoire. Il était une fois, Léa Pastel, qui courait dans les bois. Alors, je travaille, on va dire très rapidement, parce que ça fait 18 ans que je peins. Ah oui, quand même. Vraiment. En 4 heures, il faut que j'aille finir mon tableau, parce que moi, j'invente. Je n'aime pas copier une photo. Hein. C'est usurper quelque chose, ouais, ça m'intéresse pas. Mais l'idée est là. Il faut que, avant qu'elle me soit infidèle, eh ben, je travaille tout de suite. Voilà. Alors, en 2, 3, 4 heures. Voilà, je fais des grands tableaux et puis c'est un côté de une rêverie, quoi. Je suis en train de Une belle rêverie en tous les cas. Ouais. Et puis peindre, c'est aussi laisser quelque chose de soi sur terre, hein. C'est ça, hein. Sésame peint, comme disait France Gall. Ouais. Non, c'est vrai, hein. En tout cas, tu m'as volé une question parce que je voulais lui demander depuis combien de temps pour faire un tableau. Comment tu viens l'inspiration aujourd'hui? Tu peins par, comme tu dis, je fais pas de copie, je veux pas faire usurpater l'histoire, mais l'histoire vient comment? Pour peindre, hein. Tu vois quelqu'un dans la rue qui passe, tu dis tiens, je vais le peindre. Non. Je m'inspire de mon environnement, hein, de ce que je vis au quotidien. Ça me nourrit. Et justement, j'étais moins nourrie pendant le Covid où on était confiné. J'avais beaucoup de mal à peindre, c'était très triste, alors que c'est inhabituel de ma part. Ouais. On est plutôt dans le figuratif, dans l'abstrait. Alors, je suis une coloriste. Je suis d'abord coloriste, après dessinatrice. Mmh. Je suis entre les deux. Je n'aime pas le dessin proprement parler, mais vous pouvez aller voir sur mon site. C'est entre figuratif et abstrait. On va le donner justement après ton site. Merci. Alors, tu exposes où? On va parler d'exposition parce que tu dis j'expose. En ce moment, ça se passe où? Dis-nous. Alors, en ce moment, c'est comme la cuisine. Si tu veux, je prends tout et je fais la cuisine, mais toi, tu exposes où à ce moment? On veut savoir. Alors, je vais réexposer à la rentrée à la fête, à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-Saint-Mémin, du 22 au 29 septembre avec l'association d'art plastique de Saint-Hilaire. Et puis, je vais exposer avec deux confrères, Anne-Marie Turba, qui est peintre. Ouais. Oh, c'est une pote, j'étais avec elle hier soir, on a mis un mojito là. Ah ouais, ouais. T'as bon goût en plus. Sans alcool, hein. T'as bon goût. Ouais. Elle est pas mal, hein, je sais pas. Ouais, elle est pas mal. Oh, faut aller voir. Bon, attends, on la pêche. Et Laurent Leclerc, un photographe à la trésorerie. Tu D'accord. connais? Non. C'est aux impôts, c'est pour les impôts, ça? C'est rue des Moines à Saint-Privé-Saint-Mémin. C'est un lieu que ne loue la commune. Moi, je connais la trésorerie des impôts, c'est tout ce que je connais. Non, il y a d'autres trésoreries plus sympathiques. Ça, c'est pas des potes, ça. Donc, du 15 au 17 octobre, voilà. Ouais. Et puis, du 23 au 1er novembre, avec le Printemps des Arts, avec Roselyne à la trésorerie aussi. Donc là, c'est plusieurs peintres et sculpteurs. Mmh, d'accord. Un mosaïste et tout. Hein, d'autres médiums. Alors, tu nous dis, c'est ton métier. Oui. Est-ce qu'on en vit aujourd'hui de la peinture, hein? C'est une question. Hein. Alors, est-ce qu'on en vit vraiment? Ou à côté, tu fais d'autres choses, peut-être? Là, j'étais obligée de faire d'autres choses. Hein, Le Covid? Avec le Covid, oui. Ouais. Oui, parce que moi, j'ai pas eu de protection sociale. Donc, j'ai fait autre chose. Voilà. Il faut que je rebondisse. Et est-ce que tu en vivais alors avant, on va dire? Alors, j'en vivais plus sur la région parisienne quand même. Hein. À Paris, bah oui, Paris, oui, c'est plus oui, grand oui, déjà. Parce que à l'origine, j'étais parisienne et on m'employait à droite, à gauche. Là, c'était compliqué de se faire connaître au début. Ouais. D'accord. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude aussi de cette polyvalence, de pouvoir travailler aussi bien en EHPAD, qu'en MJC, comme au foyer. Je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude. Mais je suis là maintenant. Qu'est-ce que tu aimes peindre en priorité? Ton tableau favori qui donne vraiment l'envie de l'envie, comme dirait Johnny. Alors j'ai des envies du moment, c'est-à-dire que je vais faire une série de villes, je vais faire une série de fleurs, je vais faire une série des choses comme ça. Ce que j'aime le plus, mais vraiment, c'est la couleur, manier la couleur. Je suis assez bonne là-dedans et c'est ça qui me donne le sens du tableau. D'abord je mets la couleur et après je dessine. Normalement, c'est l'inverse, mais bon, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule technique. Hein. Pas bien. Et t'es toujours dans les mêmes teintes de couleurs ou t'as une couleur un peu favorite, privilégiée? Ou alors vraiment, c'est toujours beaucoup de couleurs chaudes. Beaucoup de couleurs chaudes. Chaudes, des choux à la radio, tu peux y aller. Couleurs chaudes. Ça faut que tu emballes, Francky. Ouais, je fais que ça, moi, d'emballer tout le temps. À chaque fois, j'emballe les filles à la radio. Non, je rigole. On peut te retrouver où, Léa Pastel? Un site internet? Alors, oui, un lien? Oui, j'ai un site internet, www.léa. pastelis.fr. Mmh. Voilà. Et puis, sinon, sur Google, vous mettez Léa Pastelis, ça remonte. Et on peut retrouver tes œuvres en ligne? Alors, partiellement, parce que la difficulté que j'ai, c'est on est usurpé. Ah ouais. Mais je vais régler le problème très prochainement. Ouais, j'espère. Je vais pouvoir les mettre. Voilà. Mais venez me voir en exposition. Et ben voilà. Donc là, on va rappeler juste la prochaine, c'est quand là, pour aller te voir? Et ben, la prochaine, c'est du 22 au 29 septembre. C'est quand? Ah ouais, c'est à Saint-Hilaire, la fête. Salle des fêtes de Saint-Hilaire. Salle des fêtes de Saint-Hilaire. On peut venir me voir à l'atelier aussi, hein, pas de problème. On peut passer chez toi ce soir, boire un café aussi si on veut. Oui. Alors un café le soir, non. Ouais, une tisane. La pisse mémère. Bon, avant de se quitter, parce qu'elle j'aimerais l'a rêvé, hein. Mmh. Il est là, hein, dans les studios. Le taquet derrière, on le voit, il est prêt à bondir sur le modèle. Dans les starting blocks. C'est tranquille, Algemiro, attention. Là, je suis à moitié cinglé, moi, par rapport à lui. Il arrive tranquille, hein, mon ami. Une question peut-être, Fabien, avant de se quitter, ou Christelle, chacun votre tour, si vous avez une question pour Léa Pastel. J'avais envie de lui demander quelle saison l'inspire le plus. Oh, c'est beau, ça. Sur la touche féminine. C'est la 4 saisons. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, la pizza 4 saisons. Alors, c'est le printemps. C'est le printemps, les fleurs qui explosent. Le printemps. Les lumières sont complètement différentes. Les fleurs sont là. Les champs coquelicots avec les bleuets. C'est mignon, c'est dit. C'est top. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir les. Terre à terre. Terre à terre, vas-y. Moi, j'ai hâte de voir les peintures. Je sais pas si ça se dit, mais c'est plus à l'antenne. Mais à quel prix tu peux vendre tes toiles? Ah, voilà. Pour avoir l'idée, si on veut faire un cadeau à Francky, par exemple. Alors, ça dépend de la. Ça dépend du compte en banque. Ça dépend de la dimension. J'ai des petits tableaux, on va dire 200, mais après j'ai de très grands tableaux. Comme la vitre là qui nous sépare. Donc là vous avez 1500 euros, c'est faut avoir des grands murs, hein. Un château. Voilà, c'est la fourchette de prix, c'est on va dire 200-1500 sur des 1500, c'est un très grand tableau. Très très beau tableau, hein, voilà. Et bien en tout cas ce matin on en sait plus sur la pastel, Léa Pastel qui est notre invitée aujourd'hui. Un dernier mot à dire peut-être, à rajouter, Léa, avant de se quitter, parce que il est 9h. Non, bah c'est bon, je pense que... C'est bon, t'as tout dit ? Oui, j'ai tout dit. Merci de l'accueil. Hein. Oh bah, tu mets quoi que tu veux, nous, c'est la radio aussi. Hein. Ouais, ok. Merci, Léa Pastel. Merci. Justement, j'ai la transition, écoutez, vous allez voir comment je suis fort. Cézanne Pain. Ah là là. Il est pas bon, le Francky, là, à la radio. Top. On va le garder. Bougez pas, on se dit au revoir juste derrière le France Gall qui est en train de peindre. Cézanne le peintre, hein, voilà. Oui, bien sûr. Je vous explique après. Merci, Léa Pastel. Merci à tous. De saison, mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne Pain, laisse s'accomplir la magie. Il y met sa vie, le bruit de son cœur est comme un bateau porté par sa voile. Doucement le pinceau glisse sur la toile et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. conseils avant de se quitter. On va retrouver nos invités, nos chroniqueurs en direct à la radio. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh ouais, c'est Francky dans la radio. Ben, je vais remercier Fabien Dubin, notre chroniqueur de la semaine qui est là aujourd'hui. Merci Fabien. Merci Franck Lemaire. Vous en prie Fabien Dubin. C'est bien qu'on s'appelle par les noms et prénoms comme ça. Ouais, ça fait officiel, ouais. Ça fait officiel, ça fait grosse radio quand même. Même si on est une petite radio qu'on se marre bien, mais il y a 34 ans d'existence quand même, Arc-en-Ciel. Tout à fait. Hein. Ouais, tout et fait. On nous écoute pas mal sur la région. C'est une longue longévité. Hein. Je voulais saluer Michel, le plus ancien animateur de la radio qui nous a quittés malheureusement il y a quelques mois. J'ai toujours une pensée pour lui, ce monsieur de la radio. Ouais, ça m'a attristé quand même. Christelle. Oui, Francky. Christelle. Merci d'avoir accepté notre invitation en tant que chroniqueuse ce matin. Merci à toi de m'avoir invité, ouais. Parce que là, les souvenirs sont remontés. Ah ouais. Ça rappelle le château des longues allées. Là. Ah ouais, dans le grenier là-haut. À Radio 5. Ouais. Génial. Qu'est-ce qui faisait chaud dans ce studio là-haut? On crevait de chaud l'été. Hein. Il n'y avait pas de clim, il n'y avait rien à l'époque. L'attaque des frelons aussi. Ouais, il y avait tout. C'était sympathique. Jusqu'à la demande, moi je me rappelle, on avait un téléphone, c'était une lumière qui s'allumait. Radio 5, bonjour. Ah les vieux, on a pris un coup là. Oh la vache. Oh là, mon Dieu. Ah, je vais à la maison de retraite, après je vais rentrer à l'EHPAD. Léa Pastel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Oh, elle est toute timide ce matin. Non. T'es impressionné ou Non. Même pas. C'est bien. T'es impressionné. On met les gens à l'aise, t'as vu. Ah oui. Très bien. C'est une famille, non? Ah ouais, nous c'est la famille. Hein. Mmh. C'est une grande famille. The family. Ouais, c'est mon cousin. Lui, c'est ma cousine. Et puis derrière, c'est mon père. Il y a tout le monde. Hein. Il rigole, mais il rigole jaune. Non, il rigole pas jaune. C'est un portugais. C'est pas un chinois, lui. Jibiro qui arrive. On l'adore la radio, vous allez voir, c'est le calme, attention, tranquille, hein. il y a de tout, hein. Mais c'est une musique portugaise, du rock, des slow, des trucs tranquilles quoi, pour vous apaiser. Après moi ça fait du bien. Si vous voulez vous relaxer, vous écoutez LG Miron après, vous allez voir dans le canapé là, vous allongez et vous êtes bien. C'est sûr que moi si vous m'écoutez, ça va vous énerver pour le boulot. Mais là vous êtes au bureau, vous mettez Arc-en-Ciel et là vous êtes bien avec LG Miron qui arrive dans quelques minutes. Faites pas de bruit, vous allez le réveiller. Il arrive, et puis bah il faut de la pub hein, pour faire vivre les radios. Tout de suite, merci Léa, merci Chris. Merci à tous. Merci. Fabien Dubas. Bonne journée à tous. Franck Lemaire. Bonne journée à vous. Merci Franck Lemaire. Merci Fabien Dubas. Salut les enfants, allez. Ciao. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies.